بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في قراءتنا من هذا الكتاب المبارك المسمى بدفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب للعلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. في قوله عز وجل يعني المسألة 41 41 مسألة في قوله تعالى إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. Que Allah dans le sens où il dit, en parlant de Isa alayhi salam, certes, je crée pour vous, à partir de l'argile, un oiseau, sous la forme d'un oiseau. C'est-à-dire à partir de la terre, je crée ce qui a la forme d'un oiseau. Al-Imran, verset 49. Qala, rahimahullah ta'ala, hadhihi al-ayatu. يوهم ظاهرها أن بعض المخلوقين ربما خلق بعضها ونظيرها قوله تعالى وتخلق إفكا. Donc ce verset laisse entendre dans son apparence que certaines créations, certaines créatures peuvent en créer d'autres. Et ce qui est similaire à cela, ça parle dans le sens où il dit et vous créez des mensonges. وتخلقون إفكا. Surat Al-Ankabut. L'araignée, verset 17. وَقَدْ جَاءَتْ آيَةٌ أُخَرَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ وَخَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. Et d'autres versets sont venus pour montrer que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a créé toutes choses. Comme dans la parole où ce qu'il dit. Et certes, nous avons créé toutes choses à juste mesure. Surat al-Qamar, la lune, verset 49. وَقَوْلِهِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. Et que Allah a créé toutes choses et qu'il se porte garant pour toutes choses. Az-Zumar, verset 62. Il est réalisé les kemnil ayat. Et bien évidemment, cela ne fait aucun doute que min aqsam al-tawhid al-rububiyya, tamam, al-rububiyya, dont le talif c'est ifradullah bil-khalq wa tadbir wa ghayr dhalika min al-umur. Que Allah, tamam, c'est le fait d'unifier Allah dans la création, c'est-à-dire que dire que Allah, Azza wa Jal, c'est lui qui a tout créé. Donc là-dessus, on ne fait aucun doute pour tout croyant, qu'il soit un croyant haqiqiyan, comme le musulman, ou qu'il aurait une part de l'iman dans al-rububiyya faqat. Maintenant, ça ne fait pas pour autant de lui un musulman croyant. Il croit réellement que Allah Azza wa Jal a créé toute chose. Et il croit en son existence. Maintenant, sa croyance dans le reste, elle est erronée, qu'il croit au fait que Allah Azza wa Jal a tout créé. Et chez des koufars, on trouve cela. Al-Muhim, nous y croyons tous. قال الشيخ رحمه الله تعالى الجواب ظاهر وهو أن معنى خلق عيسى كهية الطير من التين هو أخذه شيئا من التين وجعله إياه لهية أي صورة الطير وليس المراد الخلق الحقيقي لأن الله متفرد به عز وجل وقوله تعالى وتخلقون إفكا معناه تكذبون فلا منافة بين الآيات كما هو ظاهر. Donc maintenant, la réponse en soi, elle est claire. C'est que le sens de créer ici, avec la forme d'un oiseau, c'est que le fait que Isa alayhi salam a pris une chose et lui a donné la forme d'autre chose, c'est-à-dire la forme d'un oiseau. Et cela ne veut pas dire qu'il a créé la chose réellement, car cette chose-là ne revient que à Allah Azza wa Jal. Dans sa parole, vous créez des mensonges, c'est-à-dire vous mentez. Donc il n'y a aucune contradiction avec le fait que Allah soit le créateur de toutes choses. Et Cheikh Al-Uthaymeen, j'ouvre la parenthèse par rapport à cela, cite cela dans sa Muqaddima de Al-Qawl Al-Mufid, dans son Sharh Kitab Tawhid, et dans d'autres kutub, par rapport à la parole d'Allah, dans le sens où il dit, la parole d'Allah Azza wa Jal, où il dit, Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tabarakallahu, le meilleur des créateurs. Ce qui laisse entendre qu'il y a d'autres créateurs que Allah Azza wa Jal. Il dit, cette création qu'on peut attribuer à la créature, elle est, elle, relative. Car le khalq al-mutlaq, ça ce n'est propre que Allah Azza wa Jal. Le fait qu'il crée à partir de rien, du néant, et qu'il rend une chose existante. À partir du néant. Alors que la création qu'on le pourrait attribuer à la créature, c'est le fait qu'il, c'est un tahwil, qui, à partir d'une chose, d'une matière, il lui donne une forme ou une apparence autre. Mafalan, comme c'est le cas avec Isa alayhi salam, par exemple, at-tin, Isa n'a pas créé la terre ou l'argile. Il a pris de l'argile, il lui a donné la forme d'un oiseau. Ce n'est pas comme s'il l'avait fait à partir du néant, il avait donné la forme d'un oiseau. Donc, ce qu'on appelle ça, nous, ça a d'autres noms. Ça peut être le fait de fabriquer une chose, ça peut être le fait de monter une chose, et le fait de dire créer, si c'est dans le sens d'une création relative, cela est permis. Quand même, cela est permis. Quelqu'un, Mathalène, il va te dire, j'ai créé une maison, dans le sens, il veut dire qu'il a acheté les matériaux après qu'il a fait l'assemblage. L'oraten, il m'a fait manier, Fidalik. Bien que le haoulé, le meilleur, c'est de ne pas le dire, de ne pas l'employer dans ce genre de situation. Mais en tout cas, on va pas dire que Mathalène, il a fait du shirk en disant cela. Là, Adama wa Sawab. Et le dalil, c'est que Allah a bien dit qu'il est le meilleur des créateurs. C'est-à-dire qu'il y a d'autres créations qui existent, et d'autres créateurs, mais leur créateur, elle n'est pas mutlaq, elle est nisbiyan, elle est juz'iyan. C'est juste un tahwil. Qu'il a pris une chose qui a déjà été créée, qui existe déjà, un matériel, et il lui a donné la forme d'autre chose. Naam. Hadha wal jawab. Fabiadal kod naktafi, walhamdulillahi rabbil alamin.